Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la vie dans les camps de bûcherons. Le premier hiver était au bois, il y avait 5000 cordes. Il calculait début septembre au fait la coupe de bois. Ouais. Puis, attendre par les gars, il y en a qui font 4-5 cordes par jour. Mais le jobber comptait une corde par homme. Ça comptait les préposés aux chemins, qu'on appelait guidi. Ça comprenait les cuisiniers, les showboys, l'entretien des camps, okay. Les aides cuisiniers qu'on appelait showboys pareil. Roger Beaudoin racontant les exigences de la vie de bûcheron au micro de Catherine Perrin en 2014. Dans les années 40, au pic des pics, ils seront 30 000 hommes à partir chaque automne dans les camps de bûcherons du Québec. Le camp de bûcheron fait partie de notre histoire, mais aussi de notre imaginaire collectif. Il fallait tout le temps s'arranger pour travailler le moins possible. Quand on dit un bon bûcheux, il y avait tous les petits trucs pour sauver un petit peu de temps, sauver un petit peu de misère. Là. Si on regarde l'ensemble des bûcherons, là, il y en avait vraiment... Il ne l'avait pas du tout. Que ce soit avec les chevaux ou avec à bûcher, et qui ne gagnait rien, puis il y avait de la misère. Il y a un gars qui ne faisait pas une corde et demie. Il l'envoyait. Il est attelé. Vous faisiez combien de cordes, vous, M. Beaudoin? J'ai commencé une misère noire à faire une corde et demie. OK. Mais j'ai été chanceux. Un après-midi, il a passé, je me rappelle à cause du nom, il s'appelait M. Eucharis Carignan. C'était un type engagé par la compagnie Maple Leaf qui vendait des boxers, des frames de siot et des lames Maple Leaf. Puis ce gars-là, il restait avec moi toute l'après-midi, il m'a montré à l'humain. Le lendemain matin, au lieu de faire une corde et demie, j'en faisais deux et demie avec moins de misère. Un extrait du documentaire « Homme des bois » de Simon Rodrigue, réalisé en 2012. Et à la toute fin de cet extrait, on entendait à nouveau Roger Beaudoin au micro de Catherine Perrin en 2014. Pour nous raconter l'histoire des camps de bûcherons, je reçois Raymonde Beaudoin, auteur du livre « La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune » publié aux éditions Septentrion. Raymonde Beaudoin, bonjour. Bonjour. Celui qu'on entendait, Roger Beaudoin, c'est votre père. Vous avez vous-même, avec votre mère, votre sœur, votre père, vous avez passé une année complète, à un moment donné, dans un camp de bûcherons. Ça fait partie de la génétique familiale, cette histoire-là. Pourquoi vous avez décidé, à un moment donné, d'en faire un livre, de raconter à tout le monde cette histoire? C'est un peu le hasard. J'étais allée dans les années 80 à Joliette assister à un spectacle de danse folklorique. La musique était excellente, bonne musique, bonne danse, tout est parfait, ça me plaît, jusqu'à l'avant-dernier numéro où 8 gigueurs habillés avec des breeches puis une chemise à carreaux, viennent faire une jig en ligne, un peu comme les danses irlandaises. Puis, ils ont un 10 onces de gin dans leur poche. Mm-hmm. Là, je me dis, oh, c'est quoi le niaisage? Ça n'a pas de bon sens. Là, je vais les voir après. Je leur dis que tout est excellent, que j'ai aimé ma soirée, que la musique est bonne, la danse est bonne, les chorégraphies. Mais le 10 onces de gin, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il n'y en avait pas d'alcool d'un camp. Mm. Et comme croit pas, je sais que je suis personne dans la vie, là, moi, je leur dis ça comme ça, là. Oui. J'ai une trentaine d'années. Le jeune, il me dit, ha, ha, ha, si vous avez vos sources, on a les nôtres. Oh, ben. Là, j'étais de mauvaise humeur. Ça a été le point de départ. Oui. Là, je m'en venais chez nous, puis je me parlais toute seule dans l'auto. Je me souviens, non, je m'allais leur montrer. Et là, comme prof, ancien prof de français, je me dis, il n'y a pas une bibliothèque qui va me résister. Mm-hmm. J'étais convaincue de trouver, on ne boit pas dans les camps, dans un livre. Mm-hmm. Mais là, je cherche, je trouve des passages, je trouve même un historien qui a dit ce que les camps de bûcherons attiraient des joyeux lurons. Mais moyen faire des joyeux lurons, moi. Des familles complètes de gens corrects, de Saint-Émilie, Saint-Jean-de-Mata, Sainte-Béatrix, Saint-Zénon. C'était pas des fiers ouais. à bras. C'était des gens qui allaient gagner leur vie durement. C'était, je le disais, là, au pic des pics, 30 000 hommes chaque année qui partaient dans la forêt. C'était un travail très, très dur. C'est ça, donc, que vous avez voulu vraiment documenter. Oui. À force de recherche. Évidemment, avec des témoignages de première main, vos parents qui vous ont beaucoup raconté la vie des camps. Vous y étiez vous-même pendant une année. Et c'est ça, au fait, qu'on va faire ensemble, que vous racontez dans votre livre, l'histoire de la vie dans les camps de bûcherons. Avant de rentrer dans le camp comme tel, juste un petit peu d'histoire avec un grand H. Disons ça comme ça, Mme Beaudoin. Ça commence quand, l'histoire des bûcherons au Québec. On a l'impression qu'il y a tout le temps eu de l'exploitation forestière qui était importante. Ça a commencé avec Jean Talon, une centaine d'hommes qui coupaient les chênes et les pins de la vallée du Saint-Laurent pour la marine française. Autour de 1700, là, déjà, donc. Oui. Oh, ouais. Oui, l'intendant Talon à Québec. Et puis, sauf que c'était vite épuisé, la vallée du Saint-Laurent est quand même relativement étroite, mais il y a tout le temps eu des camps reliés à la colonisation. Chaque colon devait défricher sa terre, mais quand la terre était toute bûchée, là, puis que ses installations étaient faites, il n'y avait pas le droit d'aller sur les terres n'importe où bûchées, là. Il n'y avait pas de commerce de bois comme tel. Il y avait du commerce local, je dis, il n'y a pas de commerce de bois. Oui, il y avait quand même dans chaque village des commerçants locaux qui, eux, opéraient des petits camps de bûcherons avec deux, trois, peut-être cinq hommes, toujours les mêmes assez souvent. Et oui, c'était souvent des vieux garçons. Ils étaient parfois le seul à aller la ravitailler pendant l'année. Ça, c'est des camps non organisés, selon le bon vouloir, soit du bûcheron ou du commerçant local. Il y avait le commerce local. Le commerce avec les États-Unis, c'était toujours Caïn, Caïn. Ça montait, ça descendait. Ça a pris du temps, Ça a pris du temps. Avant qu'on exploite commercialement, de manière sérieuse et organisée, la forêt québécoise. Ça prend pas mal de temps. Oui, le commerce de la fourrure était plus important jusqu'en 1810 que le commerce du bois. Oui. Ça donne une idée, là, de... Donc, première période, mais c'est très, très limité, d'exploitation sérieuse. Là, c'est ce que vous nous décriviez, Talon, l'intendant Talon, une centaine d'hommes. Après ça, va se passer pas mal de temps. Ça va être après la conquête que les Anglais vont vouloir s'approvisionner en bois, parce qu'en Europe, ça devient compliqué. Donc, ils vont venir chez nous. Ça, c'est l'autre période où ça recommence un peu à décoller, là. Et c'est là que le commerce du bois a dépassé pour la première fois le commerce de la fourrure, avec l'exploitation forestière en Outaouais. L'intendant Murray a fait faire l'inventaire des forêts du Québec, et puis ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs pins et plusieurs chênes en Outaouais, et la marine anglaise en avait besoin. Donc, on a eu l'apparition, mais là, c'était loin, ça. On bûchait le bois là-bas, et pour l'apporter jusqu'à Québec, on devait le mettre dans des radeaux, des espèces de grands radeaux qu'on appelait des cages. Et de là, on l'amenait jusqu'à Québec et ces cages-là, on appelait ça aussi en anglais des rafts, d'où l'expression les raftmen. Ça a commencé vers 1806. 1810, là, c'est vraiment un gros commerce, mais ça n'a pas duré longtemps. 1910, tout était fini. La dernière cage partait pour l'Angleterre. Et ça, pour ceux qui sont à l'écoute, qui viennent de l'Outaouais, parce que c'est là que ça se passe à ce moment-là, vous le disiez, là, les raftmen, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très associé à la région de l'Outaouais. Là, jusqu'ici sont tous les raftmen, là, jusqu'ici sont tous les raftmen, les chants qui sont montés, bing, la ring, bang, la ring, laissez passer les raftmen, bing, la ring, bing, bang. Un canot des corps sont embarqués, un canot des corps sont embarqués dans les champs qui sont arrivés. Bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les raftmen, bing sur la ring, bing bang. Les raftmen de l'Outaouais qui vont donc s'occuper de ces cages, Raymond Beaudoin, dont vous nous parliez, ça c'est vraiment les premiers camps sérieux, hein, ces camps-là dans l'Outaouais. Ça ressemble à quoi à ce moment-là, les camps de bûcherons? On sait très peu de choses sur les camps du 19e. C'est certain qu'il y avait l'éloignement qui était la première difficulté. Ça attire des gens qui ne voulaient pas nécessairement fonder des familles. Ça attire pas n'importe qui. Il y a peu de gens qui sont allés. Les conditions d'hygiène étaient assez pénibles. La nourriture, c'était probablement du lard salé. Il y avait rien comme norme qui était en ce moment-là exigé. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de voir ces camps-là, les camps du fin 19e, début 20e, comparés aux camps des papetières. Ça, on n'attirait pas la même clientèle de bûcherons. C'est la vie la plus dure dans les camps, c'est à ce moment-là, dans cette région, l'Outaouais. On peut dire ça comme ça? Probablement. Mais la vie a été difficile aussi dans certains camps après. Oui. Il y a des exceptions, mais de façon générale, ça s'est vraiment amélioré. Oui. C'est la dernière année que la trêve m'a possédé. L'an prochain, ils vont me chercher pour m'avoir à leur chantier. J'ai de l'eau dans mes souliers, dans mes poches et mon tabac. Depuis que je suis arrivé, j'arrive pas à me faire sécher. Adieu, la trêve. C'était le 1er février, le dernier voyage en bateau sur la Manoine, en aval du barrage. En amont, sur la glace du lac Châteauvert, Des tracteurs à chenilles remorquaient des traîneaux chargés de bois. En aval, dans l'eau courante, 35 camions jetaient 52 000 cordes de bois à la rivière, de quoi alimenter en papier pendant 18 mois le quotidien La Presse et pendant 2 mois le New York Times. Flotteront ainsi sur la Manouane, puis sur le Saint-Maurice, et rejoindront les 2 millions d'arbres coupés par 8 000 bûcherons, les 125 millions de billes de 4 pieds qui chaque année voguent vers la Tuque, Grand-Mère, Shawinigan et Trois-Rivières, pour produire autant de papier que n'en exporte toute la Scandinavie. Pas de bio, pas d'écrivain, pas de livre comme de raison, ça sera peut-être aussi bien, mais peut-être aussi que non. Extrait du documentaire d'Arthur Lamotte, Bûcheron de la Manouane, de 1962, sur une chanson de Félix Leclerc, vous avez peut-être reconnu, qui est tirée, cette chanson elle-même, d'un autre film documentaire, La Drave, en 57. Raymonde Baudouin, en écoutant cet extrait-là, on comprend bien l'importance que va prendre l'exploitation de la forêt avec l'arrivée des papetières. Ça, c'est vraiment le début du 20e siècle. Là, vraiment, on entre dans l'âge d'or, en fait, la période où on va exploiter très considérablement cette forêt québécoise. Comment ça s'organise le travail dans ces camps de bûcherons qui doivent fournir les papetières? Bien, je suis tout à fait d'accord avec vous à dire que c'est l'âge d'or. Oui. Les premiers camps de bûcherons des papetières, je dirais avant la crise, avant 29, il y a eu une première demande de bois et on avait besoin d'hommes. Les hommes allaient bûcher en bio. Mon grand-père est allé. Il y a des gens qui sont allés de Sainte-Émilie et là, on commence à avoir des photos. Les camps font... C'est un peu pathétique comme condition. On peut avoir le cheval avec les gens sous le même toit. On s'organise comme on peut. Ça, assez souvent, c'est des petits camps. Les gens devaient partir de Sainte-Émilie à cheval jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, marcher des fois 15-20 000 dans la forêt avant de se rendre. Et là, ils passaient l'hiver là. Ouais. L'autre partie, en 29, tout est arrêté. Ouais. Ou presque. C'est la crise. Et ça reprend vers 37. Et c'est là qu'on a vraiment les âges d'or. Je pense l'âge d'or de... Les années 40, là, en gros. 37 à 55, oui. Ouais. Jusqu'à la mécanisation. Comment ça s'organise? Au début, les gars s'organisent un peu comme on faisait avec les bio, en groupe de 5. Mais là, on s'est rendu compte, parce que les compagnies ont commencé à demander le bois en pitoune. C'était plus facile à draver, parce que la drave de bio, c'est kamikaze. Ouais. Parce que le bio, c'est quoi? C'est une douzaine de pieds, un morceau de bois qui fait 12 pieds. Et là, ça se bouscule dans les rivières. Des embâcles. Ça fait des embâcles. La vie des draveurs est toujours à haut risque. Et puis, il y a plus de pertes. Surtout avant le contrôle des eaux. Après 1932, avec le barrage du Taureau, on pouvait contrôler les eaux vers le Saint-Maurice. Mais même à ça, avec les bio, c'était kamikaze. Donc, on se ramasse en 37, on demande la pitoune. La pitoune, c'est quoi? C'est 4 pieds? 4 pieds plus 1 pouce. Ouais. Parce qu'il y avait donc, ça voyage beaucoup mieux. Ben oui. Ça a facilité énormément la drave et on pouvait draver plus de pitoune. Donc, on s'organise à 5 comme avec les bio parce qu'on se disait, OK, un bûcheux en tête, 2 bûcheux dans le bois, un pileur, 2 scia, ça n'a pas marché. C'était trop de monde. Les gars faisaient le même ouvrage, la même quantité avec 3. Ah bon? Quand ils travaillaient en équipe. Mais il y avait tellement du beau bois en Mauricie puis dans la Naudière au début, là, dans les forêts vierges, les épinettes étaient tellement grosses que souvent les gars bûchaient à la mitaine, c'est-à-dire qu'ils bûchaient tout seuls. Donc le matin, ils s'en vont dans le bois, ils partent du camp, ils montent. Au début, il commence par se faire un chemin au milieu de son lot, une grande rangée. Et pendant toute la journée, il va bûcher, s'il est à droite, vers le milieu, puis s'il est à gauche, vers le milieu, pour corder son bois à mesure. Donc, on coupe, on fait une notch, on envoie l'arbre par terre, il faut qu'il l'ébranche. Et tous les arbres doivent être au moins jusqu'à 3 pouces de diamètre. Les têtes doivent se retrouver dans les cordées de bois. Oui. Parce que les inspecteurs passent. Puis s'ils voient juste du gros bois, ils vont dire, « Hey, t'en as jeté trop, là. » Donc, des petites équipes à 3, puis même un seul à la mitaine. Bûcheur fait pas mal le travail lui-même. Après ça, il faut sortir le bois, évidemment. Oui, on le corde. Ensuite, il faut l'étamper avant qu'il soit mesuré. Là, il est mesuré. Et ensuite, après Noël, là, il faut ce qu'on appelle le charroyage. Donc, on sort le bois, on le transporte. Il n'y avait pas de camion de 37 à 40. En 40, c'était rare. Il y avait peut-être une place, il y avait des camions, mais la plupart du temps, dans les régions plus éloignées, on sortait le bois avec des chevaux jusqu'en 1950. Dans les forêts, on mettait des petits voyages. Puis sur le grand chemin, là, qui était tapé ou glacé même pour faciliter le travail des chevaux, on mettait des gros, gros voyages. Est-ce que c'est payant, hein, Mme Beaudoin? Oui, moi, je vous dirais que oui. Ouais. Et là, là-dessus, il y en a qui me disent, oui, mais ton père, c'est un surhomme. Là. Non, non, non, non. La plupart des gars, on a rencontré, j'ai rencontré des dizaines d'entrevues dans le Nord jusqu'en... Et oui, il y en a qui étaient maladroits, qui ne savaient pas travailler ou qui étaient moins débrouillards. Parce qu'on disait au début là, de l'émission, il fallait vraiment savoir comment travailler, sinon on ne survivait pas. Ça... Mais la plupart de ceux qui ont fait des, je dirais, des carrières, qui ont travaillé des 15-20 ans dans le bois, c'est parce qu'ils savaient travailler. Mm-hmm. Ils faisaient des meilleurs salaires. Mon père, un été, il travaillait dans l'armement, à Le Gardeur. Puis le patron voulait le garder en septembre. Il dit, Beaudoin, toi, si tu veux travailler ici à l'année, là, je te garde en septembre. Mon père dit, non, monsieur, je retourne dans la forêt. Dans la forêt, il n'y avait pas de patron. Il gagnait plus qu'à l'usine. Et il était à son rythme. S'il avait envie d'arrêter pour aller voir le gars qui bûchait dans l'eau voisin, il pouvait prendre sa pause à l'heure qu'il voulait. Mmh. Il y avait une liberté puis une énergie qu'il ne retrouvait pas nulle part. C'est fait que les hommes aimaient ça. C'était dur, mais il y avait quand même, ils avaient envie de retourner au bois pour retrouver cette vie-là. Ça ressemble à quoi les camps physiquement, Raymond Beaudoin? C'est des camps de bois rond. Il y a une petite équipe qui montait fin août, une dizaine d'hommes. Puis là, eux devaient construire les installations en respectant de plus en plus de normes d'une année à l'autre. Donc, les premiers camps dont je vous parlais tantôt en 1916, par exemple, il y avait des branches, là, des gaules qui appelaient. Puis là, ils mettaient le papier noir direct là-dessus. Mais ça, il pleuvait dans le camp, là, ça prenait pas de temps. En 1940, on commençait à faire des doubles toits. Un premier toit avec des gaules sur lequel on mettait de la mousse qu'on trouvait dans la forêt, un bon 6 pouces de terre pour isoler. Et là, on construisait un deuxième toit dessus, encore avec des gaules, puis du papier noir, et là, des taquets en sapin. Ça, il pleuvait pas, là, c'était bien isolé. On avait des fenêtres de plus en plus grandes. De la petite vitre simple qui est insérée en deux billots. En 37, on avait des... Mon grand-père, pour respecter les normes avec les fenêtres, il amenait les fenêtres de son poulailler de Saint-Jean-de-Mata, montait les fenêtres. Puis au printemps, il redescendait chez eux. C'est quoi? C'est des grands... Essentiellement, évidemment, une grande table où les hommes vont manger, mais des dortoirs, on dort... C'est des camps différents, oui. Il y avait la cookerie. C'est le premier camp qui était construit avec des grandes tables. Puis le cook faisait installer ses installations selon ses capacités. Il y avait un camp des hommes, avec une vingtaine d'hommes ou 30. S'il était 50, on pouvait avoir deux camps d'hommes, des camps des hommes. Ensuite, on devait construire une écurie. S'il y avait beaucoup de travail à la garde en équipe, chaque équipe avait son cheval. Mais si on était à la mitaine, il n'y avait pas de chevaux. Donc, on avait une écurie, une chaîne à foin, une chaîne pour le bois de chauffage, pour chauffer les camps. Il y avait l'office, qui était le camp du... Jobber. Oui, l'entrepreneur. Oui, de l'entrepreneur. Puis vous avez dit le mot magique, il y a à peu près une minute, la cookerie. Oui. Qu'est-ce qu'ils mangent, les bûcherons? À part des tartes, là. je lisais dans votre... Une tarte par homme? Ma mère faisait ça. Mais tous les cooks faisaient une tarte par homme. Du reste du dessert, puis parce qu'il y avait autre chose. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 37, quand ma mère a travaillé, là, à partir de 37... jusqu'en 50, il n'y avait pas d'électrification. On n'avait pas de réfrigérateur. Donc, on n'avait pas de lait. On avait du lait en poudre. On n'avait pas d'œufs. On oublie ça, les œufs et le bacon le matin. Là. Ils n'avaient pas. En 60, oui, mais pas dans ce temps-là. On n'avait pas non plus de viande avant les grands froids. On ne pouvait pas la conserver. À moins que le jobber aille au dépôt, revienne avec du ballonné. Oui. Hey, là, c'était fête. Mais il n'allait pas au dépôt chaque jour. Donc, il mangeait quoi? Donc, il mangeait quoi? Il y avait du lard salé dans les premiers mois et des fèves au lard. Et oui, c'était difficile. Donc, puis un mauvais cook, on appelait ça un bouilleux. Lui, il avait de la misère à recruter son monde. Oui. Donc, un bon cook, ça prenait une bonne cuisine. On faisait des bonnes soupes, des soupes aux nouilles, des soupes au riz, des soupes aux tomates. Il y avait du pain qui était boulangé chaque jour. Il y avait des desserts. On faisait tellement de desserts, mais c'était pour compenser le manque de viande. Oui. Et quand les fourrois arrivaient, bien là, on recevait le bœuf en gros quartier. C'est pour ça que c'était quasiment toujours des hommes qui étaient les cooks. C'était rare que c'était des femmes. Il y en avait quand c'était la fille ou la femme du jobber. Mais là, ils sauvaient un salaire. Mais habituellement, quand on engageait, c'était des hommes. Parce que c'était tellement forçant que ça prenait un showboy à la cuisine pour les aider, pour débiter la viande. Mais à partir de ce moment-là, il y avait des routes de l'or tous les matins, même pour le déjeuner et le soir au souper. Mm-hmm. Puis ils pouvaient l'amener dans leur lunch le midi. Parce que c'est effectivement le petit déjeuner, le souper où, ça, où on mange sur place. Le lunch, la plupart du temps, c'est dans la forêt. Dans la forêt, on apporte son lunch. Qu'est-ce qui se passe le soir, la vie sociale au camp? Parlez-moi de ça un petit peu. Vous me disiez au tout début de l'émission, ce qui m'a incité à faire ce livre-là, c'est les rumeurs, les fausses rumeurs qui tournaient autour de la vie des camps, entre autres la boisson. Il n'y a pas de boisson, donc. Il se passe quoi le soir, une fois que les gars ont mangé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, les gars rentrent au camp vers 5 heures. L'hiver, quand il y a de la neige, ils arrivent tellement mouillés parce que dès qu'ils font un premier coup de hache sur un arbre, la neige leur tombe sur le dos. Et là, il y avait des vêtements en laine. C'était pas imperméable. Donc, ils sont mouillés, doivent faire sécher leurs vêtements sur ce qu'on appelle des diables, des espèces de supports, de séchoirs qui s'étaient faits au-dessus de leur lit. Là, il y en avait à grandeur du camp des hommes. Ils font sécher leurs vêtements, leurs tatous, les feutres qui vont dans les bottes. Et là, le souper est à 6 heures. Après ce souper, on mangeait assez rapidement parce que c'était en silence, les repas. Donc, les gars, ça évitait premièrement qu'on chiale ou qu'au début, que ça se plaigne, ça a le manque de nourriture. Et là, ça, c'était des règlements, là. D'après ce que tous les cooks demandaient, c'était ça se voit en silence. Et là, on rentre au camp des hommes après ce souper. Il reste à peu près de 7 heures à 9 heures pour parler, mais il y en a qui doivent affûter leur hache, d'autres veulent aiguiser une lame, il y en a qui ont reçu du courrier. Mm-hmm. Et là, ça parle. Ça parle d'abord de bois, de chevaux et de femmes. Puis là, ben ça rêve, puis ça se dit qu'est-ce que ça veut faire. Puis la plupart, c'est des jeunes hommes qui voulaient gagner de l'argent, soit pour acheter une maison, partir en affaires ou acheter un hôtel. Il y en a, c'était pour une rhum de mariage, ça, c'était sérieux. Une rhum de mariage, il fallait qu'ils bûchent sérieux puis qu'ils ramassent beaucoup d'argent. Il y a des amitiés qui vont se faire dans ces camps-là, ou sinon, c'est des collègues qu'on retrouve année après année? Je sais pas si ça dépend des gens, mais moi, je vous dirais que c'est des amitiés. C'est des gars qui étaient ambitieux, dont le travail était une valeur essentielle. Mais la plupart, il y a une camaraderie qui s'est créée, qui est vraiment touchante, là. Je regarde dans les conférences, régulièrement, j'ai des bûcherons qui se mettent à pleurer parce qu'ils sont émus puis ils sont fiers. Ils disent, madame, vous nous redonnez une fierté qui nous gênait. C'était gênant dans le temps de dire ça, qui était bûcheron. Raymond Beaudoin, merci infiniment d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune. C'est publié aux éditions Septentrion. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.